Première et unique question de la soirée. Ah. Entre 1 et 10, combien y a-t-il eu de spectateurs pendant un mois au spectacle de Frédéric Coster? 27. J'ai dit entre 1 et 10, Maurice. Entre 1 et 10, mais non, il y en a deux, en moyenne ou en tout? S'il nous écoute, bien sûr, on l'embrasse. Oui. Et vous retrouvez les billets du spectacle de Frédéric Coster sur le site du Zoo de Vincennes. Alors. Avec tout ça. Non, ça non, Monique, t'es pas venue le voir, tu rates quand même. Non, je faisais la nounou, moi. Ah, oui. C'est dommage parce que lui, il faisait le boubou.